Chapitre 12e. Coup tordu. Lorsqu'Anicet pénétra chez lui, Armande était encore là. Les deux femmes n'avaient pas voulu se séparer, préférant être ensemble pour partager leurs angoisses. Avant qu'Anicet ait pu placer un mot, il eut droit à une algrade sévère de la part de Manon, tellement rongée d'inquiétude qu'elle en avait les larmes aux yeux. « Mais qu'est-ce que vous faisiez, nom de Dieu ? Hyacinthe est venue nous rapporter les bruits les plus alarmants. Et Corentin ? Où est Corentin ? » demanda Armande en allant voir dans la rue. « Il lui est arrivé quelque chose, j'en étais sûr, » affirma-t-elle en commençant à pleurer. Anicet ne pouvait taire la blessure de Corentin puisqu'il était venu chercher des pansements pour la soigner. Il eut beau jurer que ce n'était rien, Armande prit la résolution de le suivre, quoi qu'il advînt. « Et je te garantis bien que je rentrerai, moi, qu'on m'en empêche, tiens. Et moi, je dois rester ici à cause de la sœur Sainte-Cécile, » bougonna Manon. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda Anicet. « Laisse, laisse, » le coupa Armande, « ce n'est pas important. Allez, viens, » dit-elle en le tirant par le bras. Manon les regarda partir avec la rage au cœur. Mais d'un autre côté, pouvait-elle laisser seule la sœur Sainte-Cécile ? Et si, malgré tout, elle allait se suicider ? Elle monta la voir. La sœur dormait toujours, mais son sommeil était maintenant agité de mouvements brusques. Elle devait rêver et n'allait pas tarder à se réveiller. Soudain, Manon, qui brûlait d'aller rejoindre ses amis, eut une idée lumineuse. Elle jeta un châle sur ses épaules et traversa la rue pour aller taper au volet de Jeanne. Il fallut bien 5 minutes à Jeanne pour qu'elle crie enfin « Bao, qu'est-ce que ? » d'un ton peu amène. Après tout, leur voisine pouvait bien leur rendre ce service, d'autant que Manon la savait assez croyante. S'occuper d'une bonne sœur relevait tout de même de la charité chrétienne. Manon l'entendit déverrouiller la porte et Jeanne parut enfin sur le seuil de l'immeuble, en cheveux, emmitouflée dans une couverture. D'autorité, Manon la poussa dans le couloir et lui expliqua le service qu'elle attendait d'elle. « Mais c'est que j'étais en train de dormir ?» se lamenta Jeanne. « Ça ne fait rien, Jeanne. Ferme ta maison et viens tout de suite, comme tu es, que je puisse m'en aller. Tu n'auras qu'à t'allonger à côté de la sœur. Si tu as faim ou soif, fais comme chez toi. » « Mais que lui est-il arrivé ?» s'enquit Jeanne. « Je n'ai pas le temps de te le dire. Quand elle sera réveillée, elle te l'expliquera elle-même. » Sur ces entrefaites, Manon s'habilla chaudement et courut vers la maison commune. Pendant l'absence d'Anicet, des événements s'étaient encore produits tant ils se succédaient avec rapidité. Le quartier-maître du Lyonnais et des sous-officiers s'étaient proposés comme otages, tandis que le major vint confirmer, sous les huées de la foule, que les régimentiers étaient bien consignés. En raison de la colère du peuple, on avait dû cacher les officiers faits prisonniers au cercle Guyon. Ils étaient entourés par des conseillers municipaux qui garantissaient leur sécurité. À l'intérieur de la mairie, Corentin vivait ses instants au milieu des protagonistes, gravant leur visage dans sa mémoire. Il avait l'impression d'assister à une pièce de théâtre dont il était bien conscient qu'elle n'aurait qu'une seule représentation. C'étaient des moments inoubliables. Il aurait aimé savoir dessiner pour en garder une trace. Peut-être un jour écrirait-il ce qu'il avait vécu pour le léguer à ses descendants. Corentin était un contemplatif alors que pour Anicet, l'action était une drogue indispensable. Pour vivre, il lui fallait toujours aller de l'avant, toujours plus vite, toujours plus loin, sans qu'on puisse dire pour cela qu'il était une tête brûlée. Quelle ne fut pas la surprise de Corentin quand il vit Armande se précipiter vers lui, le visage bouleversé de larmes. « Ah, Armande, mamie !» Je vis des moments mémorables, si tu savais. Maintenant, je vais les vivre avec toi. Nous serons deux à nous souvenir. » Armande regretta que l'hôpital de Miséricorde, situé en face de la mairie, ait été fermé juste l'année d'avant. Elle aurait pu y amener Corentin pour le faire soigner. Elle le pensa donc comme elle put et le revêtit d'une pèlerine car la température chutait en même temps que la nuit avançait. Personne ne prêta attention à eux. Tous vivaient dans la même exaltation et la même angoisse. « Tu vois, » remarqua Corentin à l'adresse d'Anicet, « ce n'est pas toi qui aurais pensé à m'amener de quoi me couvrir. »« Ah !» repartit son ami en riant. « C'est une véritable mère pour toi. »« Alors, que s'est-il passé pendant mon absence ?» Corentin le mit au courant des décisions qui venaient d'être prises. D'après ce qu'il avait entendu, le conseil municipal, en accord avec le département et l'assemblée générale, allait demander au régiment du Lyonnais de quitter la ville pour éviter une émeute et veiller à la sûreté de chacun. « Enfin, c'est une bonne chose !» s'écria Anicet. « En venant, j'entendais certains parler d'une mutinerie dans les casernes. Des officiers voulaient entrer en ville pour venger leurs camarades et les libérer, mais la plupart des soldats ont refusé d'obéir aux officiers félons. Émeric David a bien raison de vouloir nous en débarrasser. « C'est bien joli, ça, à condition que le Lyonnais accepte de quitter la place. Ça m'étonnerait qu'il le fasse, » supposa Armande. « Mais alors, nous allons être totalement désarmés ? s'alarma Corentin. Qui veillera à notre sécurité en cas d'attaque ? Il vaut mieux être désarmé que d'avoir les ennemis dans nos murs, fit remarquer Anicet. Mais Corentin avait entendu Émeric David parler du régiment d'Ernest en garnison à Marseille, certainement pour remplacer le Lyonnais. Ce régiment d'infanterie suisse portait, selon la tradition, le nom de son colonel, Ernst ou Ernest, maréchal de camp. Certains conseillers municipaux étaient d'avis de faire venir 400 hommes de ce régiment pour protéger la ville, alors que d'autres désiraient également le concours de 600 hommes de la garde nationale de Marseille. Ce point fit l'objet d'un débat. On craignait en effet que les gardes marseillais ne drainent à leur basque toute une foule de trouble-fêtes amateurs de désordre. Il était l'heure où chacun doit rentrer chez soi, mais malgré le froid, la populace était nombreuse et le tumulte régnait partout, y compris dans la mairie. L'angoisse était au plus haut point. Les habitants s'alarmaient les uns les autres, le moindre coup de mistral portait des bruits imaginaires de troupes, le moindre cri générait des mouvements de foule apeurée. Anicet conversait avec des membres du club. Soudain, l'air affairé, il revint vers ses amis et leur dit « Il faut que je parte, je reviendrai tout à l'heure, surtout ne vous inquiétez pas, je ne serai pas seul ». Au moment où il franchissait le seuil de la mairie, il tomba nez à nez avec Manon. « Et où tu vas encore ? » demanda-t-elle d'un ton courroucé. « Je ne peux pas te le dire, » mentit Anicet. « C'est un secret. »« Ah, c'est un secret ? Eh bien, je vais le partager avec toi, mon beau. Je ne te lâche pas d'une semelle, je viens avec toi. Il faudrait que tu me tues pour m'en empêcher. » Se disant, elle s'accrocha fermement à son bras et lui dit, d'un ton ferme, « Allez, vas-y, je te suis. »« Mais c'est risqué, Manon. Tu m'étonnes, comme si je ne m'en doutais pas. » Et puis ça va être fatigant, il y a pour 2 heures de marche. T'inquiète, je suis plus résistante que toi. » Au nord de la place de la mairie, une charrette attelée d'une mule, amenée par Béranger, attendait le groupe. Des gamins se battaient pour monter sur le véhicule. « Mais nom de Dieu, que font ici ces minots ? Ils devraient être couchés depuis longtemps. Allez, fichez-moi le camp !» Et comme les choses n'allaient pas assez vite, Béranger distribua quelques calottes et force coups de pied au cul. Les gamins s'égaillèrent comme une volée de moineaux en insultant copieusement le charron. Avant de partir, Béranger souleva Manon comme une plume et l'assit devant la charrette. Ce geste la rassura, car bien que vaillante, 2 heures de marche lui auraient tout de même fait mal aux pieds. « Voilà, ma belle, » dit Béranger, « tu guideras la mule. Tu sais le faire, au moins. » « Mais dis, » s'offusqua Manon, « tu me prends pour une bourrique. » Manon n'était pas la seule femme. L'épouse de Béranger et sa sœur, armées jusqu'aux dents, étaient du voyage. Elles s'assirent toutes deux à l'arrière de la charrette, les jambes pendantes. En plus de Béranger et d'Anicet, 5 autres hommes composaient la troupe. Elle emprunta d'abord la rue Boulgon, puis monta la rue Bellegarde. Là, la charrette fut arrêtée par les gardes de la porte. « Vous ne pouvez pas sortir, » dit l'homme de faction en tenant le mort de la mule. « Écoute-moi bien, citoyen. Nous avons une mission très importante à remplir. Si tu nous empêches de l'accomplir, tu t'en expliqueras avec le vice-maire, et je crois qu'après ça, tu pourras aller chercher ta pitance dans les ruisseaux. Vous pouvez au moins me dire de quoi il s'agit. » « Impossible, » répondit Béranger, catégorique. « J'ai des ordres. Mais si tu es là, quand nous reviendrons, dans 2 heures, tu seras un des premiers à savoir où nous sommes allés. » « Oh, mais dans 2 heures, j'aurai terminé ma faction. Rien ne t'empêche de rester. Choisis la curiosité ou le sommeil. » « Eh, je vais voir, » dit l'homme, en déverrouillant les portes. Après tout, se dit-il, pourquoi chercher à gagner des horions ? Ça aurait été différent s'il s'était agi d'introduire des inconnus dans la ville, mais puisque ceux-là partaient, ça faisait toujours ça en moins. Béranger guida la charrette sur la route de Sisteron. Puis on suivit un chemin de terre, sur la droite, en contrebas, chemin qui suivait le cours de la rivière la Torse. La température avoisinait le 0 degré, et chaque homme s'était protégé les oreilles d'une écharpe entortillée autour de la tête, avec le chapeau par-dessus. Les femmes, elles, étaient si couvertes qu'elles ressemblaient à 2 gros tas de chiffons. « Eh bien, » murmura Nicée en aparté, « tu parles d'une troupe, on dirait des Romanichel. » Ils longèrent la rivière pendant un bon moment. La route montait légèrement en serpentant un peu, et toute la troupe était sur ses gardes. Le bruissement de l'eau couvrait les 1000 petits bruits de la nuit. Mais s'ils étaient aguerris et déterminés, ils auraient eu bien du mal à se débarrasser d'une bande hors-la-loi. Il fallait que leur déplacement se fît dans le plus grand secret. Alors, lorsqu'ils quittèrent le cours de la rivière, à la fourche de Tournon, pour s'engager sur la gauche, ils apprécièrent de nouveau le silence. Le chemin continuait à monter en pente douce. On arriva bientôt dans un endroit presque plat. « Ça y est, nous y sommes, » murmura Béranger. « Mais on ne voit rien, » s'étonnèrent les autres. « Ne vous inquiétez pas, moi je sais que c'est là. Nous allons laisser ici la charrette et attacher la mule. Nous reviendrons la chercher plus tard. » À la pâle lueur d'un dernier quartier de lune, Béranger les guida vers un portail en fer ouvragé de bonne taille, encadré de beaux piliers de pierre sous les frondaisons des ormes. « Maître serrurier, c'est à toi de jouer, Fabrigas, » murmura Béranger. « Ah ouais, » répondit l'autre, « je voudrais t'y voir, toi. Et où je le mets, mon outil? Dans ton œil ou ailleurs? Je n'y vois goutte, compère. » Comme par magie, Béranger sortit une lanterne sourde et battit le briquet. Il éclaira la serrure pendant que Fabrigas essayait de l'ouvrir. Ce ne fut ni long ni bruyant, car le serrurier connaissait bien son métier. Puis, on entrebâilla un ventail et les comparses passèrent un par un. Au bout d'une allée bordée de grands et beaux arbres, ils distinguèrent bientôt les contours d'une bâtisse à deux étages, de belles proportions, s'élevant de part et d'autre du perron central. « Alors, c'est ici qu'il se cache ?» demanda Manon à voix basse. « Oui, citoyenne, mais j'espère qu'il est bien là. » « Il paraît qu'il est gardé par une troupe d'une cinquantaine de paysans, » exprima Fabrigas. « Nous allons avoir fort à faire. » « Mais non, » chuchota Nicet. « Émeric David est venu lui rendre visite le jour où il a eu son accident, juste devant moi. Je l'ai entendu en parler ensuite. Ce ne sont que les gens de maison et les jardiniers de Mignard. » Ils continuèrent à avancer jusqu'au pied de la bâtisse, toujours sans bruit. Malgré l'heure tardive, ils remarquèrent qu'une faible lueur jaunâtre éclairait une fenêtre du premier étage de l'aile droite. Les intensités changeantes de la lumière prouvaient que quelqu'un devait se mouvoir devant la flamme de la chandelle. Inventif, Béranger ramassa un petit caillou et le lança contre les carreaux avec adresse. Rien ne se produisit. Il recommença donc, avec un caillou un peu plus lourd. Cette fois, une silhouette apparut derrière les vitres, mais trop imprécise pour qu'on pût reconnaître une personne. Béranger eut alors une autre idée. Il demanda aux autres de s'écarter de lui et ralluma sa lanterne sourde, puis il dirigea la lumière vers la fenêtre par intermittence. Croyant vraisemblablement avoir affaire à un seul être qui délivrait un signal, la personne ouvrit la fenêtre, se pencha à l'extérieur et demanda « Que voulez-vous ? » « Je veux voir M. Pascalis, » demanda Béranger à voix basse avec une pointe de secret dans la voix. « Je descends, » répondit la personne en refermant la fenêtre. Les compagnons de Béranger se rapprochèrent de lui. « Tu crois que c'est lui ?» demanda Anisset, plein d'appréhension. « Peut-être, nous verrons bien. Surtout vous autres, ne l'effrayez pas, il ne se méfie de rien. » « Il semble avoir la conscience tranquille, » remarqua Manon. La grande porte du perron s'ouvrit bientôt, et un homme, en bonnet et robe de chambre, parut sur le seuil. « Venez, que je vous vois, » demanda-t-il. Béranger s'approcha, les autres restant en retrait dans l'obscurité. Pour ne pas alarmer son hôte, Béranger ôta son chapeau et son écharpe, afin de reprendre une allure plus civile. « Vous êtes bien M. Pascalis ?» demanda le charron. « Ne suis-je pas reconnaissable ?» répondit l'homme. « À moins que vous ne m'ayez jamais vu ?» ajouta-t-il d'un ton suspicieux. « Aïe !» pensa Béranger. « Il est sur ses gardes. Il va falloir le rassurer. « Si fait, monsieur, mais j'ai la vue basse. Et avec ce peu de lumière ?»« Bien, » conclut Pascalis. « Que me voulez-vous ? Nous n'allons pas passer la nuit dehors. Venez dans le vestibule. » Béranger entra. La vérité oblige à dire qu'il était très impressionné par ce personnage, en apparence très calme, dont les gestes et la voix dénotaient une réelle assurance. Même en robe de chambre, pensa Béranger, il en impose. Finalement, il se lança puisqu'il fallait bien commencer par quelque chose. « Monsieur Pascalis, je suis au regret de vous dire que je suis venu vous arrêter. » Il y eut un silence dans leur échange, puis d'un ton posé, Pascalis demanda « M'arrêter, moi, mais pourquoi, diantre ?» Béranger ne répondit pas à cette question. Elle demandait trop de développement dont il n'avait pas les réponses. Il biaisa. « Vous n'avez rien à craindre. Nous ne vous ferons aucun mal, surtout si vous vous montrez coopératif. » « Il ferait beau voir, citoyen !» dit Pascalis en appuyant sur ce terme. « Que vous me fassiez du mal. J'ai des gens ici. Ils ne vous laisseront pas faire. » Il venait de comprendre à qui il avait affaire. « Je ne suis pas seul, monsieur, vous vous en doutez bien. Et vos gens, s'ils s'opposent à votre prise de corps, ne feront qu'aggraver les choses, tant pour eux que pour vous. Je ne voudrais pas que l'affaire se terminât dans un bain de sang. Encore une fois, je vous redis que vous serez traité civilement, comme le citoyen de qualité que vous êtes. » Le bruit de leur conversation avait réveillé des serviteurs dans la maison. Ceux-ci vinrent voir de quoi ils retournaient. « Qui est cet homme, monsieur ? Que vous veut-il ? » demanda un homme d'âge avancé qui devait être le majordome. « Eh bien, Baptiste, figurez-vous qu'il vient pour m'arrêter. Je dois comprendre que la municipalité en a décidé ainsi. ajouta Pascalis, un peu amusé. Parfait, se dit Béranger, il a trouvé la réponse lui-même. J'appelle nos gens, monsieur, dit le majordome d'un ton catégorique. Béranger leva le bras pour stopper net l'intention du serviteur. Si vous aimez votre maître et si vous aimez la vie, je vous conseille de rester où vous êtes. J'ai dehors une troupe armée jusqu'aux dents et qui n'hésiterait pas à faire un carnage en cas de résistance. Au bout du compte, il y aura des morts sur le plancher et cela ne nous empêchera pas d'emmener M. Pascalis. Je crois que votre maître a très bien compris la situation. Ne prenez pas d'initiative et faites ce qu'il vous dit. Ne soyez pas inquiet, il sera traité comme une personne de qualité. Réfléchissant, Pascalis regardait le sol. Il repensa à cette réponse qu'il avait faite à un de ses amis lui conseillant de fuir dans sa famille à Aiguières. Il avait dit, en pointant ce mot au duc de Guise, « Il n'oserait ». Eh bien, ils avaient osé. La veille encore, une lettre l'avait averti que les meneurs de la Révolution avaient juré sa mort et on lui conseillait de se soustraire promptement au péril imminent. Pourquoi n'avait-il pas suivi ces conseils éclairés? Fierté? Bravade? Ou tout simplement la certitude que son heure était venue et qu'il n'en réchapperait pas? Le majordome jetait sur lui des regards implorants, attendant une réponse. Finalement, le magistrat rejeta la tête en arrière après une profonde inspiration. « Bien, Baptiste, montons, je vais m'habiller. »« Mais, monsieur !» bredouilla le majordome. « Viens, te dis-je, » répéta durement Pascalis. Béranger s'écarta et resta sur le pas de la porte. Il fit un petit signe à ses amis à l'extérieur, leur faisant comprendre que l'affaire était faite. Pascalis redescendit, vêtu d'une longue veste entièrement boutonnée et d'une culotte en velours noir avec des gros bas de laine également noirs. « Voilà, dit-il, je suis à vous, et je vous sais gré de vos civilités. Monsieur, fit remarquer Béranger, vous oubliez votre manteau et une écharpe chaude, nous entrons dans les heures les plus froides de la nuit. Ah oui, je suis un peu troublé. Baptiste, mon gros manteau, s'il te plaît. » Baptiste revint les larmes aux yeux. Il était au service du magistrat depuis plus de 40 ans. Il aida son maître à passer son manteau, puis, le considérant avec toute l'affection qu'il lui portait, il lui glissa. « Monsieur me permet ?» Et se disant, il serra son maître dans ses bras en lui murmurant « Que Dieu vous protège !» Pascalis secoua la tête et détourna son visage pour ne pas montrer son émotion. Il sortit brusquement et dit « Eh bien, allons-y !» Sur le seuil, il chercha la troupe qu'il supposait nombreuse et jeta un regard étonné et déçu à Béranger. « Mon Dieu » murmura-t-il sur un ton de profonde désolation. Le charron, comprenant sa déception, lui fit remarquer que chaque membre de l'escorte était armé d'au moins 2 pistolets. La charrette fut amenée et Pascalis y prit place devant, à côté de Manon. Béranger avait enlevé le capuchon de la lanterne, et remarquant que sa voisine était une femme, le magistrat souleva légèrement son chapeau en guise de salutation. Manon inclina la tête avec un sourire pour y répondre. Anicet se porta aux côtés de Pascalis, et la charrette s'ébranla. Il devait être au moins 3 heures du matin.